Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. قال العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان. يعني déjà vu un hadith sur an al-iman lahu ta'am, halawat al-iman. Et on a ta'am al-iman, et la saveur. Enfin, ceux qui ressentent cette saveur de l'iman, qala dhaqa ta'am al-iman, et plutôt on a, ils sont cités manhum, ceux qui ressentent cette saveur, qui sont-ils? Qala man al-iman man radiya billahi rabban. وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضي بهذا. Il est satisfait. الرضا قال يقتضي الفرح بذلك. Celui qui est satisfait أن الله سبحانه وتعالى c'est son رب, son créateur, donc il est satisfait, donc il l'adore et il se soumet. كذلك il est satisfait de l'islam, il accepte l'islam comme religion. ويفرح بذلك, il est heureux, et s'il est heureux bien sûr il va mettre en application. وهكذا يرضى بمحمد. Il est fier et il est satisfait d'être un suiveur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de croire en lui et d'avoir la conviction que c'est le dernier des prophètes et des messagers. قال والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه وأن يرضى بالإسلام دينا ويفرح به. Donc il accepte et il est satisfait أن الله سبحانه وتعالى c'est son رب. Donc ça implique qu'Anahu il croit bien sûr en tout ce qui concerne Ar-Rububiyya et qu'Adalik il met en application et c'est Thamara, le fruit de cette croyance. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Huna Ar-Rida, c'est pas Mujarrad Kalam. Et dans tous les hadiths sur la foi, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a une règle. La foi, c'est une croyance dans le cœur, c'est des paroles avec la langue et c'est des actes avec les membres. Donc chaque fois que tu as des hadiths dans l'Iman, c'est pas qu'une prétention. Huna Ar-Rida, c'est pas qu'avec la langue. Là, c'est une conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'Europe, et tout ce que ça implique, l'adorer seul. قَالَ يَرْضَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَيَفْرَحْ بِهِ وَيَحْمَدَ اللَّهُ عَلَى هَذِي النِّعْمَةَ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ الْمِنَنْ حَيْتُ رَضِيَ اللَّهُ لَهُ الْإِسْلَامِ. Ça, c'est la plus grande ni'ma. C'est pour ça que ça doit nous pousser à هذا الفرح. Et comme on a cité dans le dars précédent, on n'est pas à plaindre. كَمْ مِنَ النَّاسِ, encore plus à notre époque, ils sont plongé dans volumat al-jahl wal-kufr wal-ilhad. On vit une époque où les gens ils ont été très très loin dans la mécréance et dans l'égarement. Fahmadillah, Anaka, tu fais partie de ceux qui ont accepté et qui sont satisfaits de hadith din. Qala wa yahmadullah ala hadhihi an-ni'ma. C'est pour ça qu'on n'est pas à plaindre. Ben on est dans une ni'ma azima. Même si on tombe malade, même si on est touché par la pauvreté, même si on est accusé, même si... Wallahi, on a la plus grande ni'ma, le plus grand bienfait. Lakin, pour reconnaître ce bienfait, il faut faire des études pour l'étudier. Plus on fera des efforts pour apprendre l'islam, les fondements de l'islam, les bases, et tout ce que ça implique, le Coran ou le Sunna, on se rendra compte na'am, de ce trésor, de cette ni'ma, que Allah... il nous a donné. Je trouve Adenas, il ne donne pas assez de temps à cette ni'ma. C'est pour ça qu'il n'en profite pas assez. Pardon, ils ne se rendent même pas compte du bienfait qu'ils ont. Ahyanen, ils sont touchés par une épreuve. Une petite chose. Et ka'annahum, ils ne possèdent rien. Ka'annahum, bel pardon, ils le disent clairement. Moi, je suis toujours ça. Pardon, Iyadan Billah, ils disent, moi, j'ai jamais de chance. La chance n'existe pas dans notre dîn. Si tu es un musulman, tu dois avoir hada al-mu'taqad, hada al-iman, et tu dois accepter en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur de toutes choses, il gère tout. Enfin, pourquoi parler de chance? Et là, ben Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a élevé avec hada al-dîn, si tu es un musulman. On doit délaisser mitla hada al-kalam. Qala حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له. C'est pas tout le monde هذا. Tu as été choisi, أخي المؤمن, أخي المسلم. Encore plus celui qui fait des efforts pour suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour suivre la voie des salaf, pour apprendre son din, pour mettre en application, pour propager. Regarde autour de toi. Regarde la population mondiale, combien de musulmans. Ils disent à peu près 1 milliard, Allahu a'lam, combien exactement. Mais il y a beaucoup plus de kuffar. Enfin, tu as été choisi. Kadalik, dans la population de la communauté musulmane, combien ils sont fiers, jahl, wa bid'a, wa khurafat, des innovations, des égarements. Et enta, tu aimes sunnah et tu fais des efforts pour apprendre la vérité. Alhamdulillah. Alhamdulillah, on doit être reconnaissant. Laylan wa nahara, matin et soir, jour et nuit de cette ni'mah. Kadalik, le fait d'accepter l'islam, c'est pas qu'avec la langue. On doit accepter l'islam et tout ce que ce islam il renferme comme ahkam. Wa illa al-ba'd. Robama il dit هذا الذكر رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. Il dit ce dhikr, هم احيانا il entend parler d'un hukm min ahkam al-islam et ça le dérange. Ça c'est très très grave. Comme la polygamie, comme les sentences al-hudud, comme le jihad que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a appliqué, etc. Comme notre aqidah, le fait de détester les ennemis de l'islam, min al-yahoud, min al-nasara. Tu le trouves, il dit, raditu billahi rabban, wa bil-islam dinan. Thumma, dans ces choses, ka'annahu, il a des doutes, ka'annahu, ça le gêne. Mais là, ça c'est dinullah. On doit l'accepter. Et c'est un bien pour nous. Et celui qui a du mal à comprendre le bien, apprends ton din, fais des efforts dans l'ilm et tu verras que c'est forcément un bien. Pourquoi? Parce que c'est la révélation de Arhamur Rahimin. C'est la révélation de Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Alim, Jalla wa Ala. Qala, wa yarda bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya, idh huwa akmalu al-khalq wa a'lahum fi kulli sifati kamal, wa ummatuhu wa attaba'uhu akmal al-umam wa a'lahum, wa arfa'uhum darajatan fi dunya wa al-akhira. Kadhalik, tarda bi Muhammadin nabiyyan. Tu prononces la shahada, tu as la conviction que c'est le meilleur des êtres humains, c'est le dernier des prophètes. Tu as la conviction qu'il a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois l'aimer plus que toi-même, plus que tes enfants, plus que tous les êtres humains. كذلك هذا الرضا هذه المحبه, ça doit avoir une tamara. Il l'a cité au début, قال والرضا بذلك يقتضي الفرح. Donc le fait الرضا, ils traduisent mot à mot être satisfait. Est-ce que c'est adapté ou non? Peut-être qu'il y a un mot plus adapté. À la kulihan, on a compris. قال والرضا بذلك يقتضي الفرح. Enfin, le fait أنك ترضى بمحمد النبي, ça doit te pousser à être heureux. Si tu es heureux, tu auras beaucoup de facilité à le suivre. Tu n'auras pas honte de t'habiller comme le prophète عليه الصلاة والسلام. أبدًا. Tu n'auras pas honte. Ça ne te gênera pas de mettre en application la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Et كذلك, tu auras cette envie de le connaître, de le suivre, de respecter ses ordres, alayhi salatu wa sallam. Ce hadith, vous avez remarqué qu'il englobe jami' ad-din. C'est les trois fondements qu'on a étudiés dans l'usul al-thalath. C'est sur ces trois points que chaque musulman sera questionné dans sa tombe. Man rabbuk, man nabiyuk, wa mahdinuk. Les trois questions. Man rabbuk, c'est qawluhu radiya billahi rabban. Ma dinuk wa bil islam dinan wa man nabiyuk wa bi muhammadin nabiyya. Celui qui a compris ce hadith, qui le met en application, il mettra en application son din. C'est les trois fondements de notre din. La croyance en Allah, en l'islam et au prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Qala fi ar-ridha bi nubuwwati ar-rasul wa risalatihi sallallahu alayhi wa sallam wa ittiba'uhu min a'zam ma yuthmir al-iman. Et c'est ça al-fa'ida de ce hadith كذلك. Tu veux que ta foi, elle augmente. Tu veux profiter de tes efforts. Suis un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma, celui qui fait des efforts dans autre que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait que du mal. Ce qu'on appelle al-bid'a. Wa kullu bid'atin dhalalah, l'innovation. Amma, tu veux profiter de hada al-iman. Tu veux qu'il augmente et tu veux de la baraka, du bien. Fais tout pour suivre un Nabi alayhi salatu wa salam. Et pour suivre un Nabi alayhi salatu salam, tu ne peux pas le suivre directement. Le prophète alayhi salam, il est mort il y a des siècles. Pour suivre un Nabi alayhi salam, tu n'as qu'un moyen, c'est d'apprendre. Apprendre la croyance qu'il a propagée, apprendre hadha al-iman qu'il a propagé, apprendre comment faire salat, comment faire le hajj, comment faire siyam, etc. Tout ça, avec cet apprentissage, en revenant aux compagnons radiyallahu anhum, qui ont suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à son époque, tu arriveras à le suivre, bi-idhnillah. Qala wa yadhuqu bihi al-abd halawatah, qala ta'ala, laqad manna Allahu ala al-mu'minin, idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim, ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقوله ولقد جاء أو قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Donc هذا النبي صلى الله عليه وسلم c'est une نعمة من نعم الله. لقد من الله. المنة c'est النعمة. Et Allah سبحانه وتعالى il vous a accordé cet énorme bienfait. Il vous a élevé avec quoi? إذ بعث فيهم رسولا. En envoyant ce messager. Dans l'autre verset, قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. انظروا النعم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ سعدي رحمه الله فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم. Après tout cela, si tu as compris ces deux versets, أن الله سبحانه وتعالى il a envoyé ce messager, c'est une miséricorde pour toi et pour toute l'humanité et pour toute la création. C'est-à-dire qu'il a envoyé ce messager pour t'enseigner, pour te purifier, minash-shirk, pour te montrer la guidée. C'est-à-dire qu'il a envoyé ce messager, il lui a révélé هذا القرآن العظيم. Il lui a révélé كذلك السنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. القرآن إلى السنة. وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم, c'est une cause, c'est la plus grande cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé l'ibad. Après tout cela, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut le bien des autres et qui a montré la guidée bi-idhnillahi azza wa jal, comment ne pas l'aimer? Comment ne pas être satisfait de la venue de ce messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Qala fa kayfa la yarda al-mu'min bi hadha ar-rasul al-karim ar-ra'uf ar-rahim alladhi aqsama Allahu annahu la'ala khuluqin 'azim wa ashrafu maqam amma qawluhu aqsama Allahu annahu la'ala khuluqin 'azim. قوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. Et dans hadith Aisha radiyallahu anha, أن خلقه c'était القرآن عليه الصلاة والسلام. Et son comportement c'était la mise en application du Coran. قال وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه صلى الله عليه وسلم. أشرف مقام للعبد. La plus haute place, le plus haut degré que tu peux atteindre, la meilleure chose que tu peux faire en tant qu'être humain, c'est ces deux choses. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et mettre en application les deux shahadas. Ça c'est أشرف مقام. بعض الناس il recherche al-sharaf ou al-rif'a. Il recherche al-sharaf, cet honneur. Il recherche la réussite, le fait d'être élevé. Il m'a dans un sport, d'autres dans de l'argent, d'autres en se rapprochant d'un tel et un tel avec une connaissance. Bardoum en se déplaçant, en allant dans telle ville, dans tel pays. Qu'a-t-il min al-naz ? Il recherche al-sharaf ou al-rif'a ou al-fawz, la réussite. En tant que mu'min, n'ai aucun doute. Anna, si tu veux réussir, si tu veux être élevé, tu veux être honoré, fais des efforts dans ces deux points. Applique ton din, applique le premier pilier de l'islam. Adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, Allah il t'élèvera. Et suis un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah il te guidera et t'honorera. Qala azza wa jal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il a cité anna il élève qui yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ceux qui ont cru, c'est ces deux points, yu'minuna billah et il adore seul, yu'minuna bir rasul, ils le suivent. Et قال والذين أوتوا العلم درجات. Dans le verset, il a cité كذلك le moyen. Comment faire pour adorer Allah seul? Comment faire? كثير من الناس يبخطن telle chose, بعضهم ils appellent au shirk clair, بعضهم ils ont des ambiguïtés. كذلك le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde, un prétend appeler au suivi du prophète alayhi wa sallam. Alors qu'ils se contredisent. Il dit un tel, c'est un innovateur. L'autre, il dit c'est un égaré. Comment faire? Allah subhanahu wa ta'ala قال وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ دَرَجَاتٍ. Ceux qui ont reçu l'ilm. Enfin, pour parvenir à atteindre هذا المقام, هذه المنزلة, tu dois faire des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour cela. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قال ابن عباس يوحدون. Pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Tu veux être guidé. Suis هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il faut faire des sacrifices. Il faut donner du temps. بعض الناس, vous avez remarqué, on connaît tous هذا. On peut prendre l'exemple des médecins. Une partie de sa vie, des études. Obama pour avoir son diplôme, pour avoir son doctorat, pour avoir sa place, il lui faut au moins, il étudie Obama jusqu'à 30 ans ou plus. ثم بعضهم يتخصصون. Il se spécifie dans un domaine. Imma, مثلاً, concernant le cerveau, concernant le cœur. وهكذا encore, des recherches, il a réalisé toute sa vie dans cette chose. Alors, il espère quoi? Il espère atteindre un certain but, un certain niveau. Et de la reconnaissance envers ses pairs, envers les autres. Obama, certains, ils ont une bonne intention pour aider les autres. Mohim, toute sa vie, peut-être qu'il atteindra cette chose. D'autres, tu les trouves, c'est dans le sport. Toute leur vie, la jeunesse, dans les entraînements, etc. Thomas, une carrière, Allahu alam combien elle dure. Thomas, après cette chose, après la carrière, Obama, ça devient une analyse, un consultant, Madri, et toute sa vie, elle est dans cette chose. Peut-être qu'il atteint une certaine renommée dans ce domaine, qui ne sert à rien. Wallah, il sait que des fitaines, des ma'asis, ça éloigne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et un jour, il mourra comme tout le monde. Et qu'est-ce qu'il répondra dans la tombe, s'il ne connaît pas les bases de son dîn? On peut citer des dizaines, des centaines, des milliers d'exemples. Anta, en tant que mu'min, tu veux réussir, concentre-toi sur ces deux points. Essaye de faire des efforts, d'améliorer ces deux points. Essaye de voyager, essaye de dépenser, essaye de lire, essaye de demander, essaye de mu'min, des sacrifices. Comme les exemples qu'on a donnés. Tadon, Anna, le docteur, le chirurgien, le spécialiste, il n'a pas fait de sacrifices. Des voyages, il se lève très très tôt, il a dépensé de son argent, il a peut-être tout ce qu'il a fait pour atteindre le niveau. Le sportif, tu crois qu'il n'a pas fait des sacrifices? Certains sportifs, très très tôt, ils sont séparés de leur famille. Il doit aller dans un centre de formation, il doit aller et l'éloigner de sa famille, des sacrifices, il patiente pour un jour atteindre. Et là, on doit faire encore plus de sacrifices. Patienter, s'accrocher. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ouvre les portes de la réussite. قال وهذا علامة محبة الله. Celui qui fait des efforts dans ces deux choses. Il fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il fait des efforts pour suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il reçoit la bonne nouvelle. أن الله سبحانه وتعالى il l'aime. Et il a été choisi. Contrairement aux deux exemples qu'on a cités. L'exemple du médecin, du docteur. S'il si ne fait aucun effort dans le din, mais si c'est un musulman et il est à la khayr et en même temps il prend du temps pour être une cause pour aider la communauté, alhamdoulilah, là on parle de ceux qui ça devient une passion et ils négligent complètement leur din. Toute leur vie, leur passion elle prend toute la place, que ce soit la médecine, que ce soit un sport ou autre. Anta, si ton objectif c'est hada, adorer Allah seul et suivre le prophète alayhi salatu wasalam, mais faire des efforts pour apprendre, pour t'améliorer, c'est un des signes, une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime. Qala wa bittiba'ihi tatahaqqaq al-mahabbatu wal-iman. Ça nous montre quoi? Ça nous montre anna al-mahabba wal-iman, c'est pas une prétention. On le répète et on le répète. Cheikh Saadi le cite souvent, l'iman, anna, beaucoup de gens, ils se sont fait du mal fi hadha al-bab wal-iman, dans la foi. Le shaitan, il leur fait croire que la foi, c'est que une prétention. Je suis mu'min, ça s'arrête là. On reprend nos deux exemples. Le sportif et le docteur, le médecin, le chirurgien. Est-ce que quelqu'un accepterait d'un docteur, un nahou, il dit « je suis docteur » et ça s'arrête là. Il n'a jamais fait d'études. L'Obama, il ne s'est jamais déplacé. Aucun sacrifice. Là, du jour au lendemain, il se réveille, il dit « je suis docteur ». Il ne met pas en application. Ben, il n'a pas appris. Et il ne connaît rien de la médecine. Personne ne va accepter ça. On prend l'exemple du sportif, footballeur ou autre. Il n'a jamais pratiqué, jamais d'entraînement, jamais de formation, rien. Et il dit, je suis un très grand sportif, un professionnel. Personne ne va l'écouter. On vit à une époque, pardon, ils disent, je suis musulman, donc croyant, mais pas pratiquant. Na'oudou billah mina al-dhalal wal-inhiraf. Ça, ça fait partie des plus grandes contradictions. Ben, c'est de la folie. Et ce livre qu'on étudie ensemble, il détruit cette prétention. Je suis musulman, donc s'il est musulman, c'est qu'il se prétend croyant, il croit, mais je ne pratique pas. Na'oudou billah. A'lamtu mahabbatillah, c'est la pratique. Si tu es sincère, véridique, c'est la pratique. Malbarla, ils le disent ouvertement. Moi, je crois, je suis musulman, mais je suis non pratiquant. Na'oudou billah. Qala, wa bittiba'ihi tatahakkaq al-mahabbatu wal-iman. Donc, at-talil, que l'insan, il est véridique, et il croit, et il aime vraiment Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est par rapport à son suivi du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Si il ne suit pas le prophète, alayhi sallam, il le suit dans rien. Il ne prononce pas shahada, il n'adore pas Allah, pas de tawhid, il ne s'écarte pas du shirk, du haram. Sa prétention, c'est un mensonge, ce n'est pas un mu'min. Et plus il a des faiblesses dans le suivi du prophète, plus il a des faiblesses dans la foi. Qala, qala Allah ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Hada ad-dalil. Qul, ayya Muhammad, dila, in kuntum tuhibbuna Allah, si vous aimez vraiment Allah, fattabi'uni, suivez-moi, et suivez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, يحببكم الله الله يزمغ قال وفي صحيح مسلم من حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم سحديث كذلك c'est une base et c'est une réfutation à l'idéologie qui est propagée. Je peux être musulman, mais je ne pratique pas. قال عليه الصلاة والسلام. Déjà, تأملوا la question. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم ومنهم سفيان ابن عبد الله. Ils recherchaient هذا المقام que Cheikh Saadi l'a cité, cette manzila, ce degré, cette place d'être aimé auprès d'Allah, d'atteindre les hauts degrés. C'est pour ça qu'il recherchait sans cesse et demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam كثيرًا هذا. Enfin, il a demandé ya Rasulullah, قل لي في الإسلام, dis-moi une parole, لا أسأل عنه أحدا بعدك. Je n'ai pas besoin de demander à autre. أي قولا كما قال هنا في الإسلام يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا, أي une parole qui soit profitable dans mon dîn. Ça doit être ça notre objectif ya ikhwan. On doit se poser ces questions tous les jours. Est-ce que ce que je vais faire c'est profitable pour mon dîn? Est-ce que ce que je dis, c'est profitable pour mon dîn? Kadalik, kama fa'ala hada as-sahabi radiyallahu anhu. Rechercher des choses. Matalan, on se lève un matin et notre objectif de la journée, je dois chercher, trouver une chose qui va être profitable dans mon dîn. Matalan, un dhikr à dire. Un dhikr qui soit profitable. Ba'd al-adhkar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a dit telle chose, Allah, il élève en degré. Celui qui a dit telle chose, il lui efface ses péchés. Celui qui dit telle chose, Allah, il lui pardonne. Donc je recherche un dhikr qui va être profitable. Thumma, je fais des efforts pour dire ce dhikr. C'est comme ça qu'on avancera. On se lève le matin, on pense qu'au travail, thumma au sport, thumma les enfants, thumma je dois sortir voir un tel. À la fin de la journée, l'insan il est fatigué, il n'a plus de force. Et hakada, il fait l'odo rapidement et il enchaîne les 5 salawat. Il ne sait même pas ce qu'il a récité. C'est pas comme ça qu'l'insan il avance dans son dhikr. Hada, c'est sans citer le cas de celui qui pense même pas à faire la salat. Ses parents, c'est des musulmans. Il a une origine, si on peut dire une origine. C'est plutôt, c'est pas une origine l'islam, lakin ses ancêtres, sa famille, c'est des musulmans. Et Houa, il a pris faqat le prénom. Ils lui ont donné un prénom musulman. Et de temps en temps, pour le rassurer, ils essayent de le lier un peu avec l'islam. Quand il se marie, quand il est petit, et il se fait circoncire, et hakada, certaines munasabat. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pas des occasions. Je me marie, je fais apparaître un peu l'islam. Et en général, عند هؤلاء الجهال, c'est des bid'a. ils emmènent des gens pour réciter le Coran, ils disent le Fatiha, tout ça c'est minal bida, la preuve. Et ça c'est un dalil qawi al-Ba'd, vu que ils n'apprennent pas leur dîn, ils font pas des efforts dans le dîn. Et leur dîn c'est devenu que à certaines occasions, même quand dans certaines occasions, on peut prendre l'exemple de la mort ou du mariage, ils essaient de se rapprocher du dîn, lakin vu qu'ils en étaient loin, quand ils se rapprochent, ils innovent. Pourquoi ? Ils sont pas guidés minallah. Ils meurent, un de leurs proches, ils se rappellent du dîn parce que c'est la mort. Ils appellent ce qu'ils appellent la tulba. Une dizaine, une vingtaine, ils récitent le Coran. On ne comprend rien de ce qu'ils récitent. Et alhamdulillah, ils se rassurent, on est des muslimines. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça notre dîn. On ne dit pas que Haoula, ce n'est pas des musulmans. Mais la méthodologie, ce n'est pas comme ça. عليه الصلاة والسلام qu'est-ce qu'il a répondu à cet homme? قل آمنت بالله ثم استقيم. قل آمنت بالله, la croyance dans le cœur, ثم استقيم, et fait des efforts, crains Allah, suis le chemin droit. Vous avez remarqué ce hadith, c'est une réfutation. C'est pour ça qu'on conseille à nos frères de l'apprendre. Il est dans Al-Arba'in Nawawiyah, il est très très simple. C'est une réfutation à ceux qui disent la foi elle est dans le cœur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال قل آمنت بالله ثم استقيم, la foi dans le cœur, mais tu dois mettre en application. Et Kadalik, c'est une application, une réfutation à ceux qui disent « Je suis musulman mais non pratiquant. » « Qul amantu billah » Ça, c'est la croyance dans le cœur. « Thumma staqim » C'est la parole et les actes. Kadalik, la parole, elle est dans « Qul » ou « Qul ». Le prophète sallam, il lui a dit « Dis amantu billah ». Le fait de le dire, ça fait partie de la foi. Donc la foi, c'est une parole. « Amantu », la croyance, c'est dans le cœur. Ça fait partie de la foi. « Thumma staqim » Staqim, ça vient du mot « Stiqama » et « Suis le droit chemin ». En faisant la salat, en faisant le hajj, siyam, zakat, respecte les liens de parenté, tu as un bon comportement, tu appelles au convenable, tu interdis le blâmable, etc. Tu appliques ton dîn. Donc ce hadith, il renferme les trois points essentiels dans la foi. قال فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا وفعلا. Vous avez remarqué, Cheikh Saadi les a cités les trois. La parole, al-qawl, les actes des membres, l'amal, wa al-fi'al. La mise en application. Qawlan wa amalan wa fi'lan, al-qawl wa al-amal, ça englobe que d'alik, amal al-qulub. Bah, les ulama, ils disent la foi, c'est qawl wa amal. Ils disent pas la croyance. Qawl des paroles et amal. Le amal, ça englobe les actes des membres et les actes du cœur. Qala wa tarkan. Ça, c'est important. On n'a pas beaucoup cité hada, lakin, on ne doit pas oublier la foi, كذلك, c'est le fait de délaisser certaines choses. Les anna l'istiqama, c'est quoi ? قال le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قل آمنت بالله ثم استقيم. Dis, je crois en Allah, ثم suis le chemin droit. Le chemin droit, l'istiqama, c'est quoi ? C'est fi'l al-ma'mour wa tark al-mahdour. C'est de faire les obligations et les choses recommandées et de t'écarter du haram. C'est ça, l'istiqama. Donc ça nous montre anna min al-iman, c'est le fait de délaisser. Celui qui délaisse qawl zour, celui qui délaisse shirk, celui qui délaisse zina, celui qui délaisse... Bien sûr que ça fait partie de la foi. Léna, c'est quoi qui l'a poussé à délaisser ces choses? C'est la foi. C'est pour ça. Et on peut citer Ad-Dalil, et il est ma'rouf inda al-kathir, anna min al-sab'a alladhina yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Le jour du jugement, cette catégorie de personnes, ils seront sous l'ombre d'Allah, une ombre que Allah y créera yawma al-qiyama. Parmi Ha'oula, Rajulun, il pouvait avoir des rapports, pouvait faire zina avec une femme d'at Mansib wa Jamal, une femme de haut rang, une femme belle, etc. Toutes les causes, elles étaient réunies pour faire zina. Thumma, il a arrêté. Il n'est pas passé, il n'a pas fait l'aklimada. Il a craint Allah. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il a été élevé, il a eu cette énorme récompense pour une chose qu'il a délaissée. Il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens. Donc, ne pas négliger هذا. Anna l'iman, c'est des actes qu'on met en application en suivant Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est des choses qu'on délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin avec cette précision, délaisser l'illah. Qala, rahimahullah, qawlan wa amalan wa fi'lan wa tarkan faqad kamala amruh wa istaqama ala sirat al-mustaqim. Donc, هذا, c'est un bayan wadih. Anna l'iman, il monte, il descend. Anna l'iman, c'est une conviction dans le cœur, c'est des paroles, c'est des actions, et c'est ça notre dîn. Notre dîn, c'est pas une prétention, notre dîn, c'est pas une étiquette. Notre dîn, c'est une aqida et une sharia. C'est ça notre dîn, aqida ou sharia. Une aqida, une croyance complète, croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier, et Al-Qadar, le destin bon ou mauvais, et une sharia, une législation complète concernant Al-A'mal ou Al-Mu'amalat. Tout ce qu'on a besoin dans l'adoration, tout ce qu'on a besoin dans le Mu'amala, les transactions, le mariage, le commerce, etc., et le comportement. C'est ça notre dîn. Contrairement à ce que les ennemis de l'islam, ils appellent. Vous avez remarqué que le fait de dire la foi c'est dans le cœur, le fait de dire je suis un musulman mais pas pratiquant, là c'est venu comme ça. Ça c'est un fruit parmi les fruits de la da'wa des ennemis de l'islam, des laïcs, ceux qui combattent l'islam avec la laïcité, avec la démocratie. Et pour eux, ils veulent faire croire aux musulmans et ils veulent pousser les musulmans à quoi ? À votre religion, c'est du folklore, c'est de la culture, faqat. Tu es un musulman, tu peux faire salat si tu veux pas manger, ça les dérange en rien que tu manges pas, tu fais siyam, et ça s'arrête là. Elle a des principes solides, une da'wa qui est fondée sur l'amr bil ma'ruf, wa nahi anil munkar, wa l'haq, wa l'ilm, wa da'wa, etc. Ça les dérange vite. Enfin, ils ont utilisé le bid'a wa dalal, surtout à Soviya, pour propager hada. La foi c'est dans le cœur. Tu trouves un musulman, ou plus exactement, il se prétend musulman. Maintenant, un homme, il se prétend musulman, il est marié avec une kafira, avec une ennemie de l'islam. Il éduque ses enfants sur al-ilhad ou al-kufr. Il se mélange à eux. Ni salat, ni hajj, ni tawhid, ou le shi. Il a l'apparence, même l'apparence. Il l'a plus. Quand je dis l'apparence, Obama, il a le teint un peu bronzé. Et Bardenas, il pense que c'est un musulman parce que les gens de son origine, en général, c'est des musulmans. Et ça s'arrête là. C'est pas ça le dîn. Qu'est-ce qu'il va répondre au Al-Qiyama aux questions? Qu'est-ce qu'il va dire dans sa tombe? Man rabbuk ma dinuk man nabiyuk. Et entre lui et les kuffar, il n'y a aucune différence. Ben, il fait partie d'eux. Ça c'est le cas, la situation de certains. Khassatan. Et c'est une autre fitna. Et c'est une cause. Ça peut être une cause pour perdre la foi. Et ça contredit l'istiqam à la droiture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith de Souviens, le fait de vivre avec les ennemis de l'islam. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع قال رحمه الله ورجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ça c'est le fruit de هذا الاستقامة. Si on patiente et on met en application, on met en application ce hadith, on s'accroche à ce chemin. Et ce chemin, tous les jours, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dina sirat al-mustaqim. C'est exactement ce sirat qui est cité dans ce hadith, thumma staqim. Donc, le prophète il nous a ordonné de le suivre. Nous-mêmes, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de le suivre. Enfin, on ne doit pas se contredire. On doit faire des efforts. Bien sûr qu'on aura des manquements, on a des faiblesses, on est des êtres humains. Lakin, on doit se reprendre et faire des efforts et s'entraider. Le fruit de hada l'istiqama, le fruit de tous ces efforts, qala azza wa jal, thumma istaqamu, et ceux qui ont suivi le droit chemin, tatanazzalu alayhimul malaika an la takhafu wa la tahzanu. Al-am, ils n'auront plus peur, ici-bas et dans l'au-delà, et quand ils mourront, wa la tahzanu, ils ne seront pas tristes. Famin asbab al-amn wa al-farah wa al-surur, pour être heureux, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. N'essaye pas de trouver le bonheur dans autre chose. Imma, ça sera un bonheur éphémère. Ça sera illusoire. Faqat, c'est de l'apparence et c'est du char, c'est que des mauvaises choses. Et tu perdras ton temps et tu te feras beaucoup de mal. Le bonheur, le véritable bonheur, il est dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ghayr. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Ça montre à celui qui s'écarte du dhikr. Le dhikr, c'est quoi? C'est l'istiqama, c'est la voie droite. C'est le Coran et la Sunna. وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il aura une vie misérable, il ne sera pas heureux. قَالَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُتَّفَقْ عَلَيْهِ فِي وَفْدْ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ وَفَدُوا عَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَيْثُ قَالُوا مُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَأَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةِ. Vous avez remarqué Hadith Sofiane, le précédent, il a demandé au prophète sallam une parole bénéfique, une parole dont il pourra profiter. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ils sont venus voir le Nabi صلى الله عليه وسلم كذلك. Ils lui ont demandé comment profiter. Vous avez remarqué que leur question elle tournait beaucoup autour de comment profiter de cette dunya, comment préparer l'au-delà. Ça doit être ça notre objectif, Ikhwan, si on veut réussir comme هؤلاء ils ont réussi. مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. كذلك ils voulaient le khayr pour les autres. Et ils ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم informe-nous d'une chose, on pourra informer ceux qui sont avec nous. لأنه Abd, plutôt Wafd Abd al-Qays, il venait de loin et voulait informer leurs proches. Et cette chose, elle nous fait rentrer au paradis. C'était ça leur objectif. Hein. Leur objectif, c'était pas de dunya, c'était pas qu'un tel y soit satisfait. De leur but, c'était al-Jannah, d'adorer Allah et de suivre le Nabi alayhi salatu wasalam. Qalu wasalu an al-ashriba, fa amarahum bi arba. Kadhalik, ils lui ont demandé sur certaines boissons. Wa nahahum an arba. Il leur a autorisé 4, il a interdit 4. وأمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده. Donc il aura ordonné quoi? الإيمان. الإيمان بالله وحده. De purifier leur foi. De croire qu'en Allah عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع يعني الحنتم والدب والنقير والمزفت قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. Vous avez remarqué qu'il a expliqué l'iman par les piliers de l'islam sauf الحج. Il a pas cité الحج عليه الصلاة والسلام. قالوا أن تعطوا من المغنم الخمس. Vous avez remarqué, il a cité l'iman par des actes apparents. Le fait de dire la ilaha illallah, le fait de faire salat, la zakat, ça nous montre l'iman, et c'est pour ça qu'il a cité ce hadith huna. C'est des paroles, croyances et actions. Alayhi salatu wassalam. Qala fa hadha aydan sarihun fi idkhalihi ash-shara'i' adh-dhahira bil iman. Vous vous rappelez de la règle. Quand le iman il est cité seul, il englobe l'islam. Huna tu as ad-dalil. Atadruna ma al-iman, c'est quoi l'iman? Et il a cité les piliers de l'islam. Et bien sûr, il n'y a aucun doute que min al-iman kadhalik al-iman billah wa malaikatihi etc. Qala mithl as-salah waz-zakah was-siyam wa i'ta' al-khums min al-maghnam wa kullu hadha yufassiru lana al-iman tafsiran yuzilu al-ishkal wa annahu kama yadkhul fihi al-aqa'id al-qalbiyyah fa yadkhul fihi al-a'mal al-badaniyyah. Donc hadha c'est une explication de l'iman clair. La foi c'est pas que dans le cœur comme ils disent certains égarés. Abadan. La foi, c'est dans le cœur et kadalik, c'est des actes. Prononcer la shahada, mettre en application, adorer Allah seul, croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivre, faire la salat, sortir la zakat, jeûner le mois de Ramadan. C'est ça l'iman. Qala, wa kullu hadha yufassir lana l'iman tafsiran yuzilu l'ishkal. Annahu kama yadkhulu fi al-aqaid al-qalbiyya fa yadkhul fihi al-a'mal al-badaniyya fa kullu ma qarraba ila Allah min qawlin wa amalin wa i'tiqad fa innahu min al-iman. Hadhihi c'est une khulasa tayyiba. Tout ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ay min al-a'mal, ay al-ibadat, que ce soit une parole, que ce soit un acte, que ce soit une croyance, ça fait partie de l'iman. Na'am. Hada kalamun jamil, wallahu a'lam. Le prochain cours, on essaiera de finir le premier fasl, toujours des hadiths pour prouver, pour montrer que l'iman, la foi, c'est dans le cœur, c'est des paroles et c'est des actions. On est toujours dans ce chapitre. C'est pour ça que vous avez remarqué, il a cité plusieurs versets, il a cité plusieurs hadiths, alayhi salatu wassalam, faqat pour argumenter, pour montrer, pour argumenter sur la définition qu'il a donnée de l'iman dans le début du livre. Anna, l'iman, la foi, c'est une croyance dans le cœur, c'est des paroles avec la langue, et c'est des actes avec les mains. Tout ça pour argumenter tous ces hadiths, toutes ces preuves du Coran, de la sunna qu'il a cité, rahimahullah. Et le prochain cours, inshallah ta'ala, on essaiera de terminer ce premier chapitre avant de passer au second sur le fait que l'iman est yazid ou yanqus, et la foi l'augmente et elle diminue. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadad. Hayyakumullah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.